Kim Wan-soo, président du comité Nord pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, a publié aussi le 22 un entretien. En voici le résumé. Au 7e historique congrès du Parti du Travail de Corée, le camarade Kim Jong-un a avancé la ligne et l'orientation originale de lutte pour la réunification nationale destinée à marquer un tournant décisif dans l'amélioration des rapports Nord-Sud et le mouvement réunificateur national sur la base de l'analyse scientifique de l'aspiration unanime de la nation et de la situation actuelle. Son projet exigeant de maintenir invariablement la triple charte de la réunification pour ouvrir la voie de la réunification de la patrie en toute indépendance et par la grande union nationale et la paix, ainsi que le système fédéral, est le jalon le plus rationnel, juste et équitable, reflétant la volonté et la demande de toute la nation et la réalité concrète du pays, et le guide éclairant le raccourci de l'avenir radieux de la nation et de l'édification d'une puissance réunifiée. Dans son rapport du 7e congrès du parti, il a manifesté la foi immuable et la volonté de faire, de défendre et de faire honneur davantage aux exploits du président et du général et de soutenir le dessein et les recommandations de toute la vie des grands leaders afin de réaliser à tout prix la cause historique nationale de la réunification de la patrie. Rien n'est à craindre et rien n'est impossible dans le monde si le Nord et le Sud unissent la volonté et la force. Tous les Coréens du Nord, du Sud et d'Outre-mer doivent s'engager comme un seul homme à la lutte patriotique réunificatrice pour appliquer les trois principes de la réunification du pays et les déclarations communes Nord-Sud destinées à réunifier le pays en toute indépendance et par voie pacifique, plein de confiance et d'optimisme en la victoire, afin d'édifier à tout prix sur ce sol une puissance réunifiée digne, paisible et prospère.